L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Économie du marché monétaire. L'économie du marché monétaire peut s'expliquer simplement. Un vendeur de marché qui vend seul ses produits aura tendance à vouloir monter les prix parce qu'il ne fait que revendre, donc faire une marge selon l'économie monétaire. Le négoce défini par Platon permettra à la finance, ce qui possède au final la création monétaire, de s'accaparer le capital du commerçant par son isolation, par exemple en créant un supermarché. Ce serait certes pire sans argent, puisqu'il faudrait devenir esclave pour obtenir un bien. Un industriel serait moins tenté de monter les prix. En effet, s'il connaît l'histoire, il sait qu'il n'est pas le seul industriel à s'enrichir. Aussi, il est focalisé sur la création de ses produits. Donc l'argent lui sert à élaborer des projets par la politique. Ainsi, il est possible que l'industriel soit rassasié de bonheur quand il vient vendre, s'il n'est pas dans une économie de marché monétaire. Visionnage. Vidéo Marion Sigaud, violence verbale 2/5. Mes notes. Définir à quel point votre société et ses individus sont isolés en utilisant le dialogue. C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à SRM.